une trop de diamants, viens faire sur un feu, gros, ou à Péano. Viens au mariage, sur ton paiement. Vigne et berge, j'en ai tellement. J'en ai une boule tous dans la même. J'fais le hella, ça prend vélan. J'suis ours noir, pas qu'au élan. Va pas respect, va me guélan. À part un cours, j'suis au premier rang. Boulevie en course, y'a un errant. À la cul, tu mens, j'en veux. Faut lui mettre doucement au calme. Bang bang, on s'achnait, yeah. Étincelle, on s'arrondait. Dans ton studio, rue Blondel. J'ai le mien, pas l'odeur d'elle. Un joint pour que j'entretienne. Le peuple pour que j'odeur d'elle. Paquette, c'est les cartels. Couille de bois, en porte cartel. Hello, c'est Bédo. J'suis avec Prince Boateng, Bordelli, Omi Lamello. Homme d'affaires, player, rappeur, voleur. Je vis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ma life est de mauvaise humeur. Je suis meilleur ami qu'ennemi. Keep life, sinon quelle vie. Il est, il est. Je dis ce que je vis. Je l'ai mis dans le cul si profond qu'elle veut pas marcher. Je voulais juste confiance, toi et moi, baby, ça ne veut pas marcher. Toutes les prières de la paix ne seront pas assez. On va bien piquer ta grand-mère, on va te tabasser. Ferme ta gueule, caillardé. C'est pas les pompiers mais les redders qu'il faut caillarder. Si vous franchissez la limite, ça va chier. Ne déclenchez pas une guerre, vous n'êtes pas assez. 340 ans lambeau, placé. J'peux rester dans le game à jamais, à la sabatier. Caillou de crack et d'héro, ça me saladier. Nécro ne break plus au trop cadéro, nécro sont cachés. Homme d'affaires, player, rappeur, voleur, dealer. Dealer qui je suis, dealer, dealer. Que je vis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ma life est de mauvaise humeur. Je suis meilleur ami qu'ennemi. Street life, sinon quelle vie. Killer, killer. Je dis ce que je vis. Viens voir dans les surfeux. J'ai l'envie sur l'infini. Sur plus que des gros culs. J'étais sur Mars, mon alibi. Ils voulaient monter à bord. Mais pour eux, tout est fini. Chérie, m'aimerais-tu encore? Si j'avais la vie d'un Queenie. Easy, chill. J'ai bien mangé de ouf. Ma fée, biatch. Amène-moi mon plan, mon boulet proof. Viens dépasser. Je suis un rappeur hétéro. Dans ce métier. Rappel de cimetière dans les cheveux. C'est mon épée. Kill on Mike PG. Ménès, PDRG, sera tout Rennes. Calibré dans le hood, calibré dans le dos. Canon long, dark, clean, tout wood, les yeux dans le dos. Regarde encore un test, c'est la haine.